Je suis punk dans l'âme, à l'iroquoise verte. J'adore le ramdam, vu de sous cette crête. Je suis cool chez moi, sans aucune contrainte. Je peux élever des oies, l'envie n'est pas feinte. Je ne passe pas inaperçu, ça dépasse tout entendement. Dans un dédale de vieilles rues, simple suscite étonnement. Je suis punk sans chien, un collier au cou. Quand viennent les gros grains, j'accuse un grand coup. Une vision toute verte est mon quotidien. C'est flashy, certes, mais ça fait du bien. Je ne passe pas inaperçu, ça dépasse tout entendement. Dans ce dédale de vieille rue, simple suscite étonnement. Le soleil se balade au-dessus de mon île. La neige est trop froide pour ce crâne fébrile. Je suis insoumis à l'intolérance dans ce petit pays qu'on appelle la France. Je ne passe pas inaperçu, ça dépasse tout entendement. Dans ce dédale de vieilles rues, simple suscite étonnement. Ne passe pas inaperçu et dépasse tout entendement. Dans ce dédale de vieilles rues, suscite-moi fort l'étonnement. Tout simplement.